1. Vision terne, hystérique, la SLK ghetto rockstar. 1. 2012 et pour l'éternité. Ok, c'est toujours avec le fond la forme. Écoute. Je vois le monde changer, les gens sans gêne se mélanger. Le paradis c'est comme Paris, pour trouver une place c'est l'enfer. Je suis dérangé, j'ai toujours pas trouvé ma place. Me dit que je vais changer, mais c'est toujours le même blabla. Tout le monde veut sa part, mais personne ne s'en contente. Je sais bien que la roue tourne, mais est-ce vraiment dans le bon sens? Faire preuve de conscience est devenu une faiblesse. Que les faux me crachent dessus, j'assumerai chacun de mes textes. Perplexe devant la vision d'un monde si sombre. Quand il s'agit de le sauver, c'est comme changer, on y songe. Tous bornés comme pas permis. Les coups durs de la vie ne remplacent pas le contact père-fils. Une devise ne regrette rien avant l'heure. Sauter de l'immeuble n'évite pas l'ascenseur. La grandeur d'une personne, c'est pas sa taille. La valeur d'un bijou ne se voit pas à son carat. C'est devenu banal de plus avoir d'état d'âme. On a tendance à oublier que ce qui nous unit, c'est le partage. Mais je suis pas là pour faire des morales typiques. Je profite de la vie car je sais que la mort arrive. J'ai pris ma lagarde dès le cap. Ma peine s'égare entre deux fous. Tu rap calme après la tempête. Si c'est pas le chiffre, c'est le bif qui vous tuera. Je trouve pas les mots, pourtant j'ai un album à préparer. J'ai mis l'instru sur pause quelques temps pour écouter le blé parler. Je trace ma route en solo. J'ai lâché quelques potes pas cool pour les coups de pute. Les bâtards n'attendent plus que le prix de la poca cool. Je m'éloigne des tours et ça avant que ma tête se prenne une balle. L'amour du pif, ça finit à fleurir jamais comme Breaking Bad. Peut-être à court d'amour, mais jamais à court de paroles. Les gosses se tapent pour des trucs à la con pour un clash coup bar off. Le mental saigne car la confiance m'a mis un coup de griffe. On veut nos cœurs remplis d'amour tout en ayant les couilles vides. Je m'éternise pas, je te fais pas passer mon cesse pour de l'art. Vu que Paris est magique, je veux pouvoir mettre mes gosses à Poudlard. J'écris ma page, l'inspire en ce moment m'a plus qu'à la bonne. Si ma ville est dans le noir pour l'éclairer, faudrait plus qu'un album. Le diable a pissé sur le trône, faut pas que je m'asseye. Putain, si j'étais flic, je m'engagerais dans la bac à Marseille. Je perds la mémoire, mes souvenirs ont comme un Gucci. C'est chaud de faire la diff comme une fausse meuf avec un vrai Gucci.